Unité 72. Subjonctif ou indicatif? Je crois qu'ils sont entrés par la fenêtre. Regardez, le carreau est cassé. Non, je ne crois pas qu'ils soient passés par l'extérieur. Il n'y a aucune trace. Exercice 2. Tout est bien qui finit bien. On croit que le groupe de randonneurs n'est pas loin du refuge. 1. Il est possible qu'il y ait eu un orage. 2. Vous n'êtes pas sûr qu'il puisse téléphoner. 3. Je pense qu'ils ont pris des risques. 4. Elle estime que la météo a été trop mauvaise. 5. Il n'est pas évident que les secours soient arrivés assez vite. 6. Nous apprenons que le groupe vient de rentrer à l'hôtel.